T'es nulle part pour l'instant. Voilà, te voilà. Ça va? Cause un peu que je vois si t'enregistres. Oh, vas-y, dis par moi, parce que là, j'ai l'impression qu'il t'entend moins bien, mais attends. Ah, il m'entend moins bien. Voilà, non mais ça va, il va t'entendre bien. Parce que j'ai... T'as les micros cachés quelque part hein? Ouais, j'ai un baffle derrière. Alors, c'est bien pour la musique. C'est pour le retour. Et voilà. Bon. Ceux qui sont sur scène, c'est ça. Hein. Exactement. Comment vas-tu? Eh bien, ça va. Et en fait, cette semaine, j'ai pratiquement rien foutu. Oui. Bon, c'est pas grave. Et j'ai été tellement pris à droite et à gauche. On est en train de gérer l'affaire des parents de Sylvie, là, et c'est pas simple du tout. Comment du ça se passe? Ça se passe que c'est de la survie sur Nanterre, et puis que petit à petit, l'horizon se grisaille parce qu'ils n'ont aucune perspective. Alors j'essaye de les sortir de là, mais on a l'impression qu'ils se sont enferrés dans cette situation un peu morbide, et je sais pas. C'est le confinement qui a engendré ça? Non, c'était avant, puisque en fait elle a été opérée, et puis du coup, bon, elle a été en partie défigurée par cette opération, puisque c'était une opération de la mâchoire inférieure. Du coup, mais petit à petit, c'était en train de s'arranger. On lui a dit, d'ailleurs, tout le monde lui dit, parce que petit à petit, les choses s'arrangent, et la bouche qui était de côté est en train de revenir au milieu. Alors, d'accord. On commence à avoir que, finalement une visibilité en tout cas plus intéressante mais en fait elle fait de moins en moins et moins elle en fait, moins elle a envie d'en faire et, bien sûr. Ils ont quel âge? 83. Ouais, il faut les prendre en main quoi. C'est ça. Il faut les prendre en main et leur donner des perspectives. Je voudrais les emmener en fait un peu dans leur maison en Bretagne parce que c'est une maison de plein pied qui est beaucoup plus facile oui. pour pouvoir sortir. Alors que là, ils sont au troisième étage d'un immeuble, c'est tout un cirque. Mais la prise de décision, je ne peux pas aller contre un refus de leur part. Donc, Et lui, ça va? Lui, ça va? Pardon? Son mari, c'est ça va? Son mari? Bah, oui, mais le mari, qui était très vigoureux et partant, là, il sombre en même temps qu'elle, quoi. Ouais. Parce que en fait, elle est de plus en plus dépendante. Alors, est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est la possibilité? On ne sait pas. Moi, là-dedans, je suis très, très circonspect par rapport à qui commande là-dedans. Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est le corps? On a l'impression que... Ça va ensemble. Les deux vont ensemble et les comme deux toujours. Sont en train de couler. Quoi. Comme toujours, mais il faut leur donner... Et d'aller de retourner dans leur maison, ça ne leur fait pas plaisir? C'est compliqué pour elle qui a peur. Elle qui a peur parce qu'on s'éloigne des deux ou trois hôpitaux dont elle dépend à Paris. Ceci étant, les trois hôpitaux sont aussi un peu débordés par cette affaire de Covid-19. Ouais, alors, Du coup, elle est en hospitalisation à domicile. Là, à côté de Rennes, à Rennes, ils n'ont rien à faire. Il n'y a rien qui se passe. Tout est dans le vert là-bas. Donc, et ça fait rien. Bon, des fois, il y a des... Tu m'excuses une seconde? Je sais pas, il y a quelqu'un qui... Allô? Oui, bonjour Kelly. Oui, ça va bien, je suis en ligne là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais juste vous informer que j'ai envoyé un email avec. Oui, je vous ai répondu. C'est ça? Oui, voilà. Alors, vous avez confirmé? Oui, tout à fait, tout est en ordre. Vous voyez mon message? J'attends vos paquets, voilà. Voilà. Voilà. Eh bien, à vous de jouer. Allez, au revoir Kelly, merci, au revoir. Excusez-moi. Ouais, c'est compliqué ça, s'il n'y a pas le moteur de la vie là, qui pousse derrière. C'est ça, alors, j'essaye, on fait, en fait, on... On a créé à un moment un groupe sur WhatsApp pour qu'elle puisse voir son arrière-petit-fils. Et puis, puis ma fille attendant un deuxième, il y en a un deuxième qui s'annonce derrière. Et puis, petit à petit, quand si les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants s'y mettent et qu'ils disent qu'on viendra dans cette maison. Et, alors, j'essaie de créer une émulation, mais c'est extrêmement lourd. Mais ça va être de plus en plus lourd, c'est difficile à gérer. Mais à 82 ans, normalement, ils ont encore la pêche. Moi, je vois avec mes parents. Mon père avait la pêche, il est mort 10 ans après. Mais bon. Non, mais il faut trouver des mécaniques qui leur donnent envie de vivre, quoi. Et puis, peut-être que de se retrouver seul dans cette grande maison, c'est une grande maison. Ça peut être un peu compliqué pour eux. Il ne s'agit pas de se retrouver seul. Moi, je propose de les accompagner. C'est-à-dire qu'il y a toujours trois. Il y a toujours les deux plus un pour qu'on puisse s'aider. Et là, en fait, au moins pour l'été, on pouvait créer un relais de toute la famille auprès d'eux pour que ça vive. Mais il faut qu'ils le sentent, il faut qu'ils arrivent à l'intégrer pour leur donner envie de faire les 350 bornes qui... Tu sais, ça me rappelle une histoire, ça. On a un voisin à Quiberon, une femme qui a 102 ans aujourd'hui, et qui passe sa vie chez ses enfants. Et elle a 4 enfants, et ça tourne, un Lyon, en Pays Basque, l'autre à Paris, etc. Et ça tourne, et derrière ça, elle est toujours accompagnée. Alors, c'est lourd pour la famille, quoi. Quoique c'est une femme adorable, si tu veux, tu bois des coups avec elle, tu as plus l'alcool que toi. C'est une femme extraordinaire. Mais la famille la soutient et l'accueille. Voilà. Donc, elle fait son tour de France à chaque fois, en restant 3-4 mois chez les uns et les autres. Un exemple vécu qui marche bien. Alors, c'est très bien, je pourrais éventuellement en parler. Puis on va... Vous êtes combien d'enfants? Eux, ils ont trois. Donc, il y en a un à Nice, l'autre à Divonne-les-Bains, et puis nous qui sommes à Strasbourg. Mais ils ont une maison en Bretagne. Ouais. Il y a les petits-enfants, j'ai ma fille qui est à Clisson, donc il y a de quoi faire. Il y en a qui proposent, et puis il y en a qui ne bougent pas. Ah, mais comme partout! Et oui, de cette femme-là dont je te parlais, c'est un des fils qui a boosté les autres en disant on va pas laisser tomber notre mère et on va l'accompagner, etc. Et il passe, parce qu'elle a une maison à Quiberon, la maison qui est mitoyenne de la nôtre est à Quiberon, et ils vont tout l'été, dans la belle période, quoi, pendant 4-5 mois, ils vont à tour de rôle avec la mamie. C'est ça, c'est ce que j'ai proposé. C'est compliqué. Bon, écoute, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus simple, nous. Je te vois très bien aujourd'hui. L'image est. Ouais, t'es beau. T'es beau. C'est bien. Là, on a reçu les amis à notre jardin ouvrier, là. Ouais. On était neuf. Ouais. Avec les distances de sécurité et les gestes barrières. On était enfin heureux de pouvoir se retrouver. D'accord. Du coup, là, on a pris le soleil. Là, c'est bien. Bon, allez, on va aller faire un petit tour. Alors, le questionnaire, il n'a pas beaucoup avancé. Et puis, la dernière réponse, tu sens que ça manque un peu de... un peu de jus, tout ça. Je sais pas, à toi de jouer. T'as fait des relances, t'as fait quoi? Moi, je te dis, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai eu un petit échange mail avec Roderick. Ah, comment il va, notre banquier suisse? Lui, il va, mais comme beaucoup, et c'est ça que je ressens au fur et à mesure, je retrouve en contact. Il ne veut pas sortir. La peur est née. Il ne veut pas sortir. C'est fou. Et tu sais, je pensais à toi ce matin en prenant ma douche. Il y a un gars qui téléphonait sur France Inter pour dire que quand même, il y avait des gens un peu gonflés. Il avait réservé pour cet été une jolie chambre d'hôte, il viendra avec sa femme, etc. Donc la réservation se fait bien. Et puis deux jours après, l'hôtelier, pas l'hôtelier, mais le gars de la chambre d'hôte les rappelle en disant, dites, on ne peut pas vous recevoir parce que vous venez de Strasbourg et là-bas, c'est encore rouge. J'ai pensé à toi parce que ça doit te rappeler quelque chose. Et derrière, et ben voilà, la peur, elle est là, elle est installée et il va falloir la déconfiner aussi. Mais bon, mais c'est compliqué, hein, parce que entre tous ces jeunes, quand tu sors, qui prennent aucune mesure, qui sont là, bras dessus, bras dessous, à se rouler des pelles, etc. Et puis toi qui essayes de les éviter pour pas trop se croiser, t'as pas forcément de masque à ce moment-là, etc. etc. C'est vachement compliqué, hein. Ça donne vraiment l'impression d'un espèce de chaos, en tout cas, parce que chacun fait ce qu'il... en tout cas, les jeunes font absolument comme ils le pensent. Par contre, on fait partie d'un groupe familial avec une association, et il y a une dernière réunion qui s'est passée à une vingtaine par Zoom. Et puis, en fait, on a eu le témoignage d'un jeune couple qui a eu le Covid-19. Lui, il a 35, et puis voilà. Et il a dit, c'est quand même assez angoissant le médecin dise, il faut que tu comptes ta vitesse de respiration au niveau de l'entrée dans la nuit, pour savoir qu'au-delà d'une certaine vitesse, il faut appeler le médecin parce que ça va mal. Complètement. Que ça tourne. Complètement. J'ai entendu ça. Ouais. J'ai un copain qui s'est passé la même chose. Ouais, mais lui, bon, c'est un Indien. Il a fait ça à l'Indienne. Il ne sait pas. Oui. Voilà, bon. Ça s'est très bien passé, mais il est resté 3 semaines. Trois semaines dans le décor, quoi. Et ce qui était intéressant, c'est de montrer qu'il y a des jeunes qui l'ont eu aussi, et que c'est pas rigolo qu'on l'a. Complètement. Ah non, c'est une vraie saloperie, hein. Et quand tu l'attrapes à nos âges, si tu as le malheur d'être chopé, mais bien. Tu peux glisser ta peau, hein. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder les scores, hein. Au-delà de 80 balais, c'est 80%. Voilà, tu as des scores, tu les comprends. Bon, allez, on reprend notre questionnaire. Notre questionnaire numéro 2, bon, la dernière réponse, on ne va pas s'attarder dessus, parce que ça, c'était pas un grand moment. Maintenant, la balle est dans ton camp. Oui, la balle est toujours dans mon camp. Je n'ai pas trop avancé là-dessus. La seule chose sur laquelle j'ai avancé, c'était... Avec Rodrigue, qu'est-ce qu'il disait, Rodrigue ? Pardon ? Rodrigue, qu'est-ce qu'il disait ? Oui, qu'est-ce qu'il disait ? J'attends. Je suis en train de rassembler, de reprendre contact avec le topographe. Ouais. Et avec la paix pour faire des levées topographiques, histoire d'avoir un plan pour pouvoir travailler. Donc là, j'ai commencé à bosser là-dessus. Je pense que Rodrigue, il est prêt à rentrer dans le paper, dans le Dropbox paper. D'accord, très bien. Moi, j'ai des choses à y mettre et on peut déjà commencer. Ça peut être... Je pense qu'un gars comme ça, c'est valeur d'exemple, et où que tu le mettes, s'il s'applique bien, s'il y croit bien, etc., ça va pulser, quoi. Il faut des gars comme ça. Il faut des locomotives, c'en est une. Alors, il est locomotive, mais il a la frousse, hein, du Covid-19. Complètement, mais c'est pas le seul, hein. Moi aussi, hein. Moi aussi, j'ai la frousse. Moi aussi, je fais hyper gaffe. Bon, alors donc... On va le mettre au travail. Ouais, exactement. J'ai vu, en tout cas, j'ai écrit à la mairie qui m'a répondu sur la possibilité d'avoir des points d'attache pour le levier topographique. Et en fait, c'est quoi les points d'attache ? Les points d'attache, c'est au moins, par exemple, la cote d'un tampon, d'égout, quoi, qui me donne en fait une cote MGF, quelque chose. Quoi. J'ai compris. Voilà. D'accord. Et ils m'ont dit, on n'a rien. Bon. Ah, ils n'ont rien ? Pourtant, il y a des égouts, là. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est, à mon avis, c'est moins j'en fais, mieux je me porte. Hein. Ouais. Mais tu ne t'es peut-être pas adressé à la bonne personne. C'est le service de l'urbanisme, et pourtant, on a toujours Joseph Rochelle, hein, dans l'équipe. Hein. Je le mets toujours en copie. Il m'a dit, maintenant, tout ce que vous faites, mettez-le en copie. Oui, tout à fait. Jusqu'à ce que je ne sois plus en service. voilà. C'est fin juin, peut-être que... Bon. À l'urbanisme, ils t'ont répondu ça. Oui, c'est un. Pour moi, c'est impossible. À partir du moment où il y a des réseaux d'assainissement, il doit y avoir des cotes de niveau. C'est mais impossible. C'est évident, mais c'est évident. C'est une réponse complètement stupide de leur part. Alors, peut-être que tu pourrais avoir la réponse par ton copain géomètre, qui lui... J'ai une copie aussi. Ouais, qui lui, lui expertiser dans... il connaît Auray, et il est du coin, le gars. Mais oui, puisqu'il a déjà fait... Il a des plans du secteur. Donc. Bon, alors donc, mets-le en copie de lui, il va te trouver les bons plans. Hein. Bon, voilà, d'accord. Donc c'est en cours et moi j'attends de savoir ce que va nous annoncer le gouvernement demain pour savoir si je peux aller dans l'Ouest ou pas pour prendre quelque chose en main sur le terrain. Quoi. D'accord. Ok. Ben, nous on va bientôt partir. Je sais pas quel jour exactement, mais bon, on trépigne aussi. Mais bon, on va pas se mettre non plus en danger à qui bon. Voilà. Bon, ben toi, t'attends le... Et tu viendrais comment, en voiture Probablement en voiture, oui. Parce que je veux pouvoir tourner, je veux pouvoir aller voir ma fille à Clisson. D'accord. Et apporter des outils pour travailler. Donc, D'accord. Okay. Ça ira mieux avec la nouvelle voiture. En plus de ça, je pourrais porter des échelles parce qu'il y a des choses à voir sur les parois rocheuses, là. Donc, ça sera bien. Ah, des choses de quoi à voir? Ben, moi, je suis géologue au départ. Hein. Moi, je vais voir un petit peu plus près mon Westphalien supérieur. Ah, d'accord. Ok. Bon, alors, questionnaire, on a tout dit? Ben, pour l'instant, oui. D'accord. Ça n'a pas évolué, je crois que... Ok. Pour aller droit sur les choses que j'ai essayées, là, j'ai essayé de... Je suis en train d'essayer de mettre le lien du calendrier Google sur l'agenda de Paper. Alors, attends, donc toi tu vas sur Paper, je ne me suis pas occupé de Paper, alors on va essayer de voir ça. J'avais un truc à te dire à ce niveau, non pas au niveau de l'agenda, mais au niveau des réponses au questionnaire. Oui. J'ai vu que ça se baladait entre une page et une autre, tout n'est pas au même endroit. Donc il y aura peut-être des choses à faire, je te le dis là parce que j'ai vu ça. Ah oui, le questionnaire il n'est pas trop, il est pas très, pas terrible, terrible là, hein. C'est ça, hein. Quand tu dis des pages, c'est-à-dire que les questions, là, il y a des questions qui sont un peu mal placées, c'est ça? Oui, voilà. C'est, enfin, points, c'est, ouais. Si tu veux, tu as... alors, où est-ce que j'ai vu ça? Ben, on va sur le site. Allez. Oui. Tu as vu que j'ai mis des photos? Bon. Attends. Ah, tu m'as envoyé des photos. Non, je ne t'ai pas envoyé de photos. J'ai mis des photos. Alors, attends, juste une minute. Déjà, il y a Drive et Dans. Alors, et puis ensuite, donc je suis sur Accueil. Le site. Ah, d'accord. Jardin merveilleux à Saint-Gustan. Je suis sur Accueil, à la page 1, et tout en bas, j'ai vu le résultat du questionnaire numéro 1, le 30 avril. Alors, à mon sens, ça serait bien que tu mettes tout au même endroit. Et comme l'endroit, tu l'as défini... Questionnaire numéro 2, tout à la fin, la dernière page. Tu comprends ce que je veux dire? De mettre tout ce qui concerne les questionnaires, puisque tu veux les planquer, planquons-les, quoi. Mais mets-les toutes au même endroit. D'accord. Ok. Hein? D'accord? Je vais le faire. Ok. Donc ça, c'est vu. J'ai vu que tu avais rajouté, ou alors ça m'a échappé, que tu avais rajouté beaucoup de musique. Oui, ça j'ai vu. Ça fait déjà un moment, hein. Ça fait au moins 15 jours, 3 semaines. Hein. Bon, alors ça m'a échappé. Donc, on a plein de musique. Bon, j'ai essayé de voir si le site était référencé. Il ne l'est toujours pas. Et ça va m'énerver, donc je vais faire un truc. Je sais pas. Non, mais je ne supporte pas. Faire des trucs qui ne marchent pas, je ne supporte pas. Mais ça veut dire que toi, de ton côté, il faut que tu signes, qu'en signature, tu aies le lien vers le Jardin Merveilleux. Hein. Tu comprends? Ça veut dire, attends, tu comprends pas. Ce que je signe... Quand tu signes, tu fais un mail, par exemple, qui concerne le Jardin Merveilleux, par exemple, eh bien, sous ta signature, tu mets site Jardin Merveilleux avec le lien vers le Jardin Merveilleux. Ah ben ça y est, ça y est depuis longtemps. Hein. Ça y est. Non seulement il y a le lien vers le Jardin Merveilleux, mais il y a le lien vers questionnaire 1 et questionnaire 2. Donc, bon, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme tu ne m'as pas écrit cette semaine, je me languissais. oui, maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Bon, voilà. Donc, accueil, on retrouve toujours la photo que j'ai mise, j'ai rien de mieux pour l'instant. Mais, alors, avec l'eau, tu as vu, regarde la photo que j'ai mise avec l'eau. C'est bien, je découvre avec toi. Mais bon, alors, c'est noir et blanc, mais on voit la mer. Ouais. C'est bien ce que tu voulais. Ça pouvait être ça. Ça pourrait être ça. C'est voilà. Bon, ouais. C'est ma proposition. Why not? Moi, je suis d'accord. Bon, d'accord. Ok, ben on laisse ça. C'est bon, parce que c'est de la co-construction. Voilà. Voilà. Bon, et ça, c'est la côte sauvage à Quiberon. Tu connais la côte sauvage à Quiberon? Oui. Voilà, ben ça, c'est la côte sauvage à Quiberon. J'y est allé une fois. Par jour de tempête. Voilà, après, on a créé, grandir. Alors, bon, je me souviens plus ce qu'on avait comme photo avant, comme ça, garde pas forcément en mémoire. Celle-là, c'était toujours... on avait toujours le Saint-Gaustan, quoi. Ouais, mais c'était pas cette photo-là. Ah, c'était pas celle-là? Non, c'est moi qui l'ai mis, celle-là. D'accord, donc on le voit un peu plus gros, c'est ça? Oui, voilà, t'as la petite maison qui est derrière... avec son propriétaire qui est toujours... Il est toujours dans son transat, le mec. Il ne le quitte pas. Voilà, bon. Attends. La maison qui est derrière, quoi? Je suis sur la page Créer et grandir. Oui, site. Moi aussi. Et il y a ton jardin, avec en contrebas la maison du... la maison au bord de l'eau du gars, non? Ah non, j'ai rien. J'ai pas ça du tout. Moi, j'ai l'ancienne photo... Tu l'as peut-être pas publié ton truc parce que je l'ai pas là. Moi j'ai l'ancienne photo. Alors, Black Bel Air, c'est déconné ça. Mais attends, je comprends pas. Tu as. Attends. C'est que ça va pas du tout parce que. Pour l'instant j'ai le blason comme il était avant, là, le blason Saint-Gaustan. Rafraîchi pour voir si tu l'as toujours. Rafraîchi. Voilà, rafraîchisse. Actualiser la page. Voilà. Ah, ça y est. Voilà, avec la petite maison. Bon, alors, c'est pour situer le jardin, si tu veux. Bon, alors, l'idée, c'est d'avoir la petite maison en point de repère. Dans le petit fond, la maison des Fornero. Oui, des Fornero. Mais bon, j'ai pas. Il faut que j'aille passer du temps pour faire des jolies photos là-bas. Voilà, c'est... Il faut du temps, et puis il faut... Oui, et puis, si je viens au mois de juin, là, moi, le tas de fumier là, qui est devant, il va disparaître. Ouais. Ça en fera déjà un peu moins. Ouais, voilà. Mais bon, ça montre un petit peu le jardin. Ensuite, ensemble, j'ai rien touché. Après, dans un jardin, là, j'ai touché, voilà, dans un jardin... j'ai mis, tu sais, tu avais ta photo surexposée, ben, j'ai mis la mienne qui est un peu grisâtre, mais bon, c'est la météo qui valait ça. Voilà. Hein? Ah, ça, c'était avant la repousse, là. Ça, c'était avant la repousse. C'est la série de photos que j'ai faites quand j'étais sur ton terrain, en même temps que toi. Voilà. Bon, après, merveilleux, il n'y a rien à dire. Autre action, qu'est-ce que j'ai fait sur l'action? Ouais, j'ai rien fait. Voilà. Mmh. Bon, voilà les 2-3 photos que j'ai changées, comme je m'y étais engagé, mais je m'aperçois que je manque un peu de matière. Ouais, de fond, un fond photographique. Ouais. Voilà. Il faut se construire. Ça va venir. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que à avoir la main sur, à être sur place, ça pourra faire des photos, voir évoluer les choses, ouais. Et puis ensuite pouvoir changer les photos, ce qui fait que c'est ça qui rend dynamique aussi. Oui, tout à fait, ça c'est bien. Mais encore une fois, sur Internet, l'idée, c'est plutôt de, tu vois, au niveau des photos par exemple, c'est de les laisser parce que Google, normalement, les références. mais c'est de créer d'autres pages pour mettre d'autres photos, quoi, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'en rajouter, pas d'en enlever. Tu vois? D'accord. Bien. Bon, ben voilà, au niveau du site, maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire d'intéressant? Oui, ben voilà, t'as du boulot, quoi. Voilà, alors, j'ai toujours du boulot. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle, est-ce que le fait d'échanger, toi et moi, ça peut t'apporter quelques idées? Est-ce que, je sais pas, comment je peux t'aider? Moi, je vais un peu te mettre au courant des quelques échanges que j'ai eus durant cette semaine. Ouais. J'ai eu les photos que tu as faites, là, puisque tu as fait un tour du jardin bien jungleisé. Oui, oui, oui, tout à fait. Et puis ça, c'était la semaine dernière, Oui, c'était la semaine dernière. Mm. Et puis, Annick Dujardin aussi, l'ancienne propriétaire, est passée. Il a fait aussi des photos qu'elle m'a envoyées. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des bonnes photos? Non, je pense qu'elle fait ça avec son téléphone, juste pour me tenir au courant. D'accord, d'accord, ok. Mais elle m'a dit qu'elle n'était pas rentrée sur le terrain, alors que d'habitude elle rentrait. Donc c'est que très probablement ça ne va pas être aussi évident que... Si, tu peux rentrer, mais bon, faut faire attention. Il faut avoir du temps aussi. Ouais. Parce que comme elle travaille justement dans le milieu hospitalier, en ce moment, c'est là, elle me dit, je rentre, je dors. Bah oui, ils sont crevés tous. Ils sont au bout du rouleau, hein. Faut les laisser un peu souffler. Hein. D'accord. Alors, j'ai eu un retour aussi de Marion Le Pennec, là, une des artistes qui habite justement à rue du Sablène. Ah, c'est la fameuse avec qui je t'ai proposé de causer. Alors, et elle est en train de déménager. Donc, ce moment, elle a dit, je peux pas m'occuper de tout à la fois. Donc, d'accord, elle déménage. Voilà. Et donc, elle est où, rue du Sablin? Tu me l'avais dit, mais j'ai oublié. Je ne sais plus. Rue du Sablin, attends, il faut que je regarde dans mes... Bon. Non, mais c'est pas grave. Dans mes contacts. Oui. Bon, c'est pas grave, d'accord. Je vais regarder ça. Bon. Qui y a eu d'autres? Béatrice Chapuis qui a répondu au questionnaire. Je me suis dit, ah chouette, elle a répondu, mais quand j'ai vu la réponse, je me suis dit, oh là là, elle n'a pas dû passer beaucoup de temps. C'est la numéro 7? Pardon? C'est la numéro 7? Numéro 7 aussi. D'accord, ouais. Non, mais c'est, bon, tu sais ce qui serait intéressant? Prenons cette femme-là que tu as l'air de connaître. C'est de l'appeler et puis de lui dire qu'est-ce que tu penses du questionnaire? Sur quoi ça a buté? Est-ce que tu n'avais pas le temps? Est-ce que tu es prêt à le reprendre? Est-ce que si? Est-ce que ça? Parce que ce questionnaire, il est, pour moi, si tu veux, c'est un acte fondateur. Parce que normalement, ce questionnaire, il est là pour recueillir les idées des uns et des autres, et puis te donner un petit peu un ordre de marche, quoi, savoir ce qui peut être retenu, ce sur quoi tu peux discuter. Ben oui, mais comme je te disais, en ce moment, bon, j'avance pas beaucoup parce que, en fait, moi, j'ai pas beaucoup d'émulation par l'extérieur, parce que les gens qui sont intéressés au projet sont pris, je dirais, un peu partout en ce moment par l'espèce de reprise d'activité, la frénésie. Ah, mais c'est terrible, hein, ce qui se passe. Hein. C'est Plus la peur qui est aussi sous-jacente. Ouais. On se demande comment l'esprit créatif peut se dégager de ça. En ce moment, Mais il n'y a pas de création. En ce moment, il n'y a pas de création, ils sont en survie. C'est la survie ou du sauve qui peut, quoi. Voilà, c'est la même chose. Et ils sont en survie pour faire du fric, pour faire rentrer du fric, si tu veux. Et derrière, sortir la tête hors de l'eau, quoi. Parce que il y a péril, hein. Il y a un danger économique énorme. C'est pour ça que pour l'instant, moi, je me dis, bon, on va attendre les annonces là, de demain, normalement, qui devraient... Alors, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre. Les élucubrations des journalistes n'en finissent plus. J'espère qu'on va fixer ça une bonne fois pour tout. Laisse parler les politiques et les décisions se prendre, et puis tu te cales là-dessus. Oui. C'est ça. Donc pour l'instant, c'est si je pouvais annoncer que j'y serais pendant une ou deux semaines sur place, et qu'on peut se rencontrer même avec la distance et les gestes barrières, peut-être que ça relancerait un petit peu la chose. Mais pour l'instant, tous ceux que je rencontre sont un peu dans cette... Ils sont frileux, les gens sont frileux. Ouais, c'est clair. Bon, écoute, profitons de ce laps de temps qui nous est donné pour peaufiner un peu les choses. Et puis, essayer de glaner de l'information. Mais effectivement, s'ils sont dans l'esprit que tu dis, et je le crois très volontiers, ça ne sert à rien de les tarabuster pour dire réponds, etc. Tu auras des réponses à l'emporte-pièce et ce n'est pas ça qu'on attend. C'est exactement ça que j'ai compris de la part de la réponse au numéro 7. Tu as raison. Je réponds parce que tu as demandé, mais en fait, ça n'apporte rien. Attends, techniquement parlant, tu as fait une relance ou pas? Non, je n'ai pas fait une relance pure, parce que j'ai seulement dit que j'avais l'intention de venir au mois de juin. Oui, c'est ce que tu as écrit, là, Et que j'attendais les propositions pour savoir où placer mes billes par rapport à ces propositions. D'accord. Des questions d'hébergement, des questions de... Est-ce que par exemple Stéphane pourrait me dire par exemple là cette semaine moi je peux pas mais par contre l'autre semaine je peux, du coup on peut caler quelque chose ensemble. Donc, voilà, moi je suis libre en juin, je monte sur Paris pour essayer de faire avancer cette affaire de parents le week-end prochain, pas le week-end là mais le suivant. Et puis, savoir où est-ce que je vais tourner les roues. Est-ce que je tourne les roues vers l'ouest ou est-ce que je suis condamné à revenir sur l'est parce que, au lieu de faire 100 km, ça va être 200. Ouais, d'accord. Bon, écoute. Voilà. Tu vois ça. J'aimerais qu'on aille faire un petit tour, puisque tu me le proposais sur Dropbox. Yeah. Alors, parce que moi, je n'y suis pas allé depuis belle lurette, Dropbox. Alors, voyons un peu. Jardin merveilleux. Ça marche, on le trouve tout de suite. Voilà, et là, j'ai collé le lien de l'agenda Google sur la feuille agenda Dropbox. Ça, c'est vachement bien. Et ça marche ou pas? Alors, j'ai le lien, mais. Ça marche mais pas. C'est tout. Mais ça donne pas le calendrier. Je crois que Dropbox et Paper et Google s'aiment pas trop. Non, j'ai l'impression. Ce sont deux concurrents, de toute façon. Et là-dedans, quand je regarde. Dans la série d'outils qu'il y a en bas, c'est pas marqué mettre un agenda tout fait. C'est. Bah, rappelle-toi, je t'avais dit que moi aussi j'avais buté. Ouais. Je t'avais dit que j'avais buté et alors, par contre, c'est intéressant. Donc je suis sur Paper à la rubrique agenda. Je clique sur le lien calendar Google et j'arrive sur mon agenda à moi. Bon, j'ai rien à cacher, mais bon, c'est quand même bizarre. Un agenda de toi? Le mien, ouais. Je sais pas, moi. Non, mais est-ce que tu as... Va cliquer sur calendar Google, sur ce lien-là. Calendar Google. Alors là, on est sur la page agenda. Alors, la page agenda de quoi? Ben de Paper. On est sur Paper. On est sur Paper. Voilà, d'accord. Ben là, je suis sur un agenda. Bon, alors, tu as la page agenda sous l'agenda de Dropbox, que j'avais mis, moi, en désespoir de cause. Il y a un lien qui s'appelle Calendar, Google Calendar. C'est moi qui viens de le mettre. Ben, tu l'as mis quand? Maintenant, tout de suite. Tout de suite? Oui. J'étais quasiment en ligne avec toi là, pendant que tu téléphonais. Ah d'accord. Bon, quand je clique dessus, j'arrive sur mon agenda à moi. Et moi j'arrive sur l'agenda Jardin Merveilleux. Et ben voilà. Mais attends, il y a quand même un drôle de truc. Regarde un peu le lien. https://calendar.google.com/calendar. Alors attends, hop. Reste sur cette page. Reste sur cette page. Donc, tu le vois, HTTPS, calendar Google, etc. Oui. En dessous, tu as CID, C-I-D, oui. B-D-M, voilà. Oui. Et ça, quand je clique dessus, ça arrive toujours chez toi, chez moi. C'est mon agenda. Et moi, quand je clique dessus, ça arrive sur mon agenda, Jardin Mireille, sur Google. Bon, bah, tu as de la chance, hein. non, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on utilise, le, à mon sens, en désespoir de cause, il faut. T'es bon, bah, ce n'est pas un gros, gros travail, mais pour te servir de l'agenda Dropbox, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui, je vais me... En fait, je vais te lire. Il y a tellement d'événements concernant le Jardin Merveilleux que, en fait, je n'aurai jamais le temps de tout remplir. Non. En ce moment, comme il ne se passe rien. Je peux très bien tenir les deux agendas sans problème. Voilà. À mon sens, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Parce qu'avoir une page agenda où il n'y a pas d'agenda... Ah, tu viens de le supprimer, le lien, là. Oui, oui, je l'ai enlevé, ça sert à rien. Ah, ben, tu as complètement raison. Voilà, donc bah, tu peux déjà mettre que tu viens du bah, que tu le sauras bien. Du temps au temps, etc. Hein, d'accord. Oui. Qu'est-ce que tu voulais parler d'autre chose sur le Dropbox Paper? Non, non parce qu'en fait j'ai pas énormément réfléchi là-dessus. Attends, je regarde sur le agenda paramètres, c'est merveilleux. Dropbox. Ouais, alors, je suis en train de préparer des pièces que je vais mettre dessus, sur notamment plan du terrain pour un paper. D'accord. En fait, je vais mettre un peu de taf pour Roderick. Eh ben, c'est bien. Oui, c'est bien. Il faut en même temps, tu le verras. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, non. Puis c'est un gars extrêmement positif et bien, oui. Et qui demande que ça tant qu'il est confiné, quoi. Voilà. Oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il sait faire, lui? Comment tu pourrais l'exploiter dans le sens noble du terme? Ben, je crois qu'il a déjà émis, il a écrit des idées. J'aimerais bien qu'il les place un peu dans l'espace. Voilà. Commencer déjà à ce qu'il a une idée. Et j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de... Il n'a pas jamais vu ce terrain. Donc, en fait, il ne sait pas ces différentes terrasses, c'est le creux qui est au milieu. D'accord. Ce creux, je l'imagine, ce truc-là. Je me suis déjà imaginé jouant du violoncelle dedans, quoi, parce que c'est une véritable... Bah, bien sûr. Mais ça, c'est comment, un amphithéâtre. C'est un amphithéâtre, voilà le mot que je cherchais. Oui, tout à fait. C'est un peu froid. mais l'été, ça devrait aller. Tu sais ce qu'on pourrait faire? C'est une vidéo. Une vidéo vue du dessous, pour ces gens qui sont éloignés de ça et qui ne l'ont jamais vu. Comme ça, ouais, j'avais l'intention de le faire, et j'ai, comme ça fait déjà plusieurs fois qu'on m'a demandé, j'avais commandé un drone pour pouvoir faire un petit tour là-dessus, ouais. Parce qu'on m'avait déjà demandé dans un projet agricole avant, et c'est vrai que c'est quand même super intéressant d'avoir une vision en 3D comme ça des choses. Oui. Et ce drone, bah, je l'attends toujours. Attends, ça veut dire quoi? Tu as commandé ça comment? Raconte-moi, parce que je ne connais pas. Bah, c'est sur Internet, il y a sur un site qui vend et qui vend justement des drones. Ah, tu veux acheter un drone? Acheter un drone. Ah ouais, tu sais combien ça vaut un drone? Bah, celui-là, c'est 100 balles. Ah non, mais achète pas ça. C'est des merdes. Pardon, excuse-moi, mais... Pardon, c'est trop cher. Ah ben voilà, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu savais combien ça va d'être. Mais acheter un drone... ouais. Il faut une très belle caméra, quoi. Mmh. Faut une très belle... En tout cas, la présentation qu'ils en faisaient, c'était pas mal. Et puis, il faut apprendre à s'en servir aussi. Hein. Donc, il y a un peu de taf avec. Hein. Ouais, il y a du taf. Mmh. Bon. Tu sais ce que tu fais? Quand tu as repéré ton drone, tu me le dis. Parce que moi, j'ai un certain nombre de sites qui sont de bons conseils. Oui. Pour t'éviter de faire des bêtises en matière d'achat. Mais j'avais un ancien gendre, ouais. Parce que ma deuxième fille a divorcé, était un bon en matière de drone. C'est lui qui m'avait conseillé, tu regardes ça, fais attention à ces accessoires-là parce que c'est... Tout à fait. Voilà, mais lui avait un drone qui, à l'époque, valait 800-900 euros. Quoi. Ouais, mais c'est le prix, et c'est entre 500 et 1200 euros un drone. Voilà, et il me dit, de toute façon, au-delà d'un certain temps, il faut une licence. Donc il ne faut pas prendre dessus. Donc il était limite en dessous, un peu comme les 49,9 des mobilettes. Quoi. Ouais, ouais. Juste en dessous, et c'était un truc qui se mettait bien, qui se pliait bien dans une sacoche. Il était bien le sien. Et en fait, maintenant, sachant que ça s'est beaucoup développé, le même drone, maintenant, est descendu de prix. Donc, beaucoup plus intéressant. Ah, d'accord. Beaucoup plus abordable. Tu l'as repéré ? Oui, et c'est pour ça que je l'avais repéré. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est pour ça que je l'ai... que celui-là, je l'ai acheté. Je me suis dit, bon, si c'est une pub d'enflure, ça ne m'aura pas coûté trop cher non plus. Et puis, C'est ce fameux drone dont te parlait ton ex c'est Jean, le même, ouais. Et qui vaut 100 euros maintenant. 100 euros. D'accord. Il est descendu à 120. Ah ouais. C'est bizarre ça quand même. Alors, c'est le même. Hein. Et par contre, maintenant, il y a des trucs. Moi, il y a un moment où, quand j'étais en fait dans les gros projets avant de sortir en retraite, je cherchais des drones qui étaient avec infrarouge et des choses comme ça qui permettent de repérer où est-ce que sont les écoulements d'eau, ouais. Des trucs comme ça. Et c'était vachement cher. Ah, mais oui, mais je pense que ça doit toujours être cher. Mais... Oui, mais c'est bien descendu en prix. Ouais. Maintenant, avec cette affaire de Covid-19 et de saloperie économique, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Hein. Voilà. En tout cas, pour l'instant, le premier que j'ai commandé, ça fait 3 mois, je l'ai commandé en mois de mars. T'as payé ? Oui, j'ai payé. T'as commandé ça sur quoi ? C'était une pub YouTube, sur YouTube. Je suis allé dessus, je me suis dit, alors, j'espère que ce ne sont pas des salauds. T'en sais rien. Attends, il faut faire vachement gaffe. Oui, oui. Faire vachement gaffe. Moi, je vois... Bon, j'achète du matériel qui est souvent cher, mais je fais extrêmement attention. Bon, j'ai pas de problème. Sauf que là, en fait, pour l'instant, je reçois des messages disant, les suivis d'envoi, qui me dit où est-ce qu'il est, où est le paquet. Ouais. Au départ, c'était la poste qui devait s'en occuper, et puis la poste, tout d'un coup, s'est arrêtée, du coup, il n'y avait rien qui était distribué. Et là, petit à petit, ça commence à repartir. Alors, je vais leur laisser encore une, deux, trois semaines. Et puis après ça... Ton colis, là, si... Il était où, ton vendeur ? En France ? Attends. En tout cas, je vais regarder ça de près, parce que moi, ça commence à... Non, mais c'est absolument anormal, si tu veux. C'est anormal, oui. Que tu aies des délais, certes... Mais les délais que tu dis, comment il s'appelle ton drone ? Attends, que je retourne sur mon... Attends, je te bouge, il faut que je te mette là-bas. Ah ben moi aussi, je te promène. Hein. Que je regarde où est-ce que j'ai mis ça. Ah oui, je suis pas sur le bon mail. Je vais regarder sur mon téléphone. Ah, on ira faire un tour sur WhatsApp parce que j'ai pas vu grand chose. Non, il y a rien qui se passe sur WhatsApp pour l'instant. Non, mais même j'ai pas vu même ce qui s'est passé déjà, quoi. On fera ça après. On va s'occuper du drone. Alors, donne-moi juste la référence. Alors, monsieur, stratégie, gestion, support client, votre demande, référence dossier, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est autre chose. Ah oui, je gère aussi l'aménagement électrique d'une autre maison, là, de la maison familiale. Achat. Ça rame. Ah bon? T'es chez quel provider? Alors là, je suis sur l'autre message. Je Oui. cherche sur l'autre messagerie. Non, mais c'est quel. Comment dirais-je? C'est Orange, c'est faire, c'est quoi? Ben là, c'est toujours Gmail, hein, je suis toujours sur Google. C'est Non, toujours mais sur si ça rame, c'est ton provider qui rame. Là, c'est Orange. Voilà. C'est bizarre parce que ça marche. Ouais. Parce que je vois comment dirais-je, ton image sur la Livebox, elle est bonne, hein? T'es de plus en plus beau d'ailleurs. Achat. Très bon. Ah, ça y est. Ça date de quand? 20 février. Non, c'est pas ici. Retour. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis ça? Sur oreille. Rodrigue, Rosebox, c'est pas là, c'est pas là, donc c'est pas là. Fournisseur, est-ce que c'est là? Bon, ça c'est la de 2018, c'est pas ça. Alors c'est peut-être pas ça. Ah oui, je sais, c'est sur une autre adresse. C'est l'adresse. Mais tu reçois pas tout au même endroit? Ben non, je suis aussi président de l'ARIA, alors il y a plusieurs choses. Oui, mais tous tes mails n'arrivent pas sur ta boîte de messagerie en même temps? Pas sur la même. Ben, oui, mais que ce soit pas sur la même, c'est une chose, mais ça peut arriver au même endroit. Pour que tu n'aies qu'une seule fenêtre à ouvrir. Ça, je peux le faire sur mon téléphone. J'ai tout à la fois, mais sur l'ordinateur, je ne l'ai pas fait. Bon. Là, je commence à ramer. Pas, ben, tu me l'enverras. Parce que ça m'intéresse, même moi, à titre personnel, s'il y a un bon truc à faire, là, je serai partant, mais bon. C'est quoi un bon truc à faire? Ben, un bon achat. Ouais. Ouais, ben, par exemple, passer de 400 à 100, moi, ça me va bien, toi. Ok. Alors donc, Bon, je t'envoie ça. ça tombe pas. Bon, on est peut-être trop là. Il y a Sylvie qui travaille sur WhatsApp en ce moment. 18 messages là. Oui, il doit y avoir beaucoup de choses de l'autre côté de la paroi là. Mais ça change rien. T'es sur ta Livebox. Oui. Bah, ta Livebox peut absorber deux postes sans problème. Normalement, oui. Ah, alors ça tourne plus. C'est bon. Alors, on va chercher dans les achats. Achat. Voilà. Alors, 22 avril, mars support. Oui, il m'envoie. Êtes-vous satisfait? Ben, je dis non, j'ai rien reçu, donc il n'y a pas de raison. Commande confirmée. Alors, confirmez le. T'as confirmé quand? Le 16 mars. Ouais, depuis le 16 mars, ça devrait être là. Ça fait 2 mois. Oui. Oui, 2 mois, 16 mars. Avec une promesse de Nexa sous 5 jours ouvrés, et puis un Ouais. peu plus tard, c'est étant donné les conditions, Ouais, nous ouais. n'avons pas un nom. Comment il s'appelle ton drone? Alors, hop, X-Drone. X-Drone et sa référence. Alors, le. Oh là là, là c'est le. La firme qui fait ça, c'est à Malte. Ça sent mauvais. Ah ouais. Pas bon ça. MDE Commerce LTD. Non mais X-Drone, il n'y a pas d'autres références que ça? Non. Pourquoi le X-Drone est une arnaque? Ah, tu tombes là-dessus? Ah mais c'est la première, oui. Alors pourquoi c'est une arnaque? X-Drone, d'où sort ce drone? Difficile de savoir d'où sort ce drone, mais une chose est sûre, on le voit partout. Tout d'abord sur Facebook, Zone Pro. Quelle est la marque derrière ce drone? C'est vrai que qui est-elle? D'accord, donc c'est une saloperie. Rapidement, on se rend compte que la société Hypertech, c'est là où tu as commandé? Une société qui possède un site internet du même nom avec aucune adresse physique, machin. Après une petite enquête, leur siège social se trouverait à Riga, en Lettonie. Moi, j'ai un truc qui vient de... qui est... Le siège est à Malte. Ah ben, la mondialisation, ça fait bien les choses. On comprend vite qu'acheter un drone auprès d'une société inconnue dans le domaine des drones. La réponse est oui. Le drone n'est pas seulement similaire, mais il est identique. C'est le modèle. Alors, d'abord, je vais t'envoyer l'article sur lequel je suis tombé, comme ça tu. Là, je suis aussi sur Internet. Hein, pourtant, y a, sur Internet, quand tu parles, quand je mets X-Drone, je tombe sur une annonce. Écoute, je viens de t'envoyer ce que j'ai reçu. Ce que je vois là. C'est un truc qui se plie. Ah oui, je D'accord? vois. Pourquoi le X-Drone Pro est une arnaque Voilà. à grande échelle? Alors, donc il se pourrait que le drone soit juste une appellation marketing. La marque existe-t-il une autre marque qui vendrait un drone similaire? La réponse est oui. Et le drone n'est pas seulement similaire, mais il est identique. Le modèle E58 de la marque eShine. Entreprise chinoise. Allez, je vais sur E58. On va voir. Ah oui, le voilà. 63,99 €. Et donc, Et donc, pour l'instant, je le vois là. En photo, il est très bien. Mais moi, il y a quand même, voilà, c'est ça qui m'intéresse de voir la caméra. C'est la caméra qui est intéressante. Ça vole, bon, oui. en principe, ils volent tous. Mais est-ce que la caméra. Bien qu'une caméra embarquée ne soit pas un must pour un bon drone de départ, il est bon que vous puissiez enregistrer les projets. D'accord, ok. Non? Tu descends, hein, tu vas trouver caméra du E58. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la bestiole. Ah, il a une faible autonomie. Sensible s'il y a trop de vent. Ah, ben, il faut pas l'amener trop en Bretagne. E58. Tu le vois? Oui. Tu as 5 minutes. Ah oui, 5 minutes, ça occupe 50 mégas. Ouais, ça, d'accord, sur la carte, ok. La Attends, il qualité. est La qualité. 24,53 €. Ah non, non, j'ai pas ça. Moi, il vaut 63,99 €. Toi, t'as 24 euros? 24,53 € sur Cdiscount. Ah, tu le cherches, toi? Ouais. Non, mais il faut pas aller sur Cdiscount. Non, non, Cdiscount, t'as des drôles, là. Va sur Amazon. C'est là où t'as le moins de problèmes. Je dis pas qu'il y en a pas, mais. La qualité, il est petit, pliable, la qualité de la vidéo est correcte, la télécommande est ergonomique, le maintien de l'altitude stable, qui est important. Angle de la caméra ajustable, 3 batteries fournies à l'achat. Ben voilà quoi. Voilà. Si tu veux commander, qu'est-ce qui se passe? Achète ça où? Ah, j'arrive sur Amazon. J'ai cliqué sur le E58, j'arrive sur Amazon. Tu veux que je te l'envoie? Ben attends, moi j'ai cliqué sur Amazon et je tombe sur les... sur plein de trucs. Non, non, mais je t'envoie le E58, ce qu'il faut acheter. C'est là que ça se passe. eShine, c'est ça là? eShine E58, drone pliable. Attends, je vais te dire. Bon, je viens de avec caméra 720p, Ouais, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Drone, voilà. E58. Je viens de t'envoyer la page. D'accord. 60,99€, c'est ça? Ouais. Alors, tu as 568 évaluations. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est les 1 étoile. Tu as 20%. Où c'est le. Ouais. Va sur les évaluations, les étoiles, tu regarderas. Oui. Bon, ceci étant, du coup, ouais. Le précédent, c'est une arnaque. Donc. Surtout si tu as payé, ouais. D'accord. Mais ce que je ne comprends pas, vois-tu, c'est que moi, je tombe là-dessus du premier coup. Oui. Et toi, tu ne tombes pas là-dessus, tu n'es pas tombé là-dessus du premier coup. Parce que oui, moi, je fais vachement attention quand j'achète des trucs. Voilà. Bon. Alors, le drone, on laisse ça de côté pour aujourd'hui. Ben, je regarderai, mais du coup, je regarderai aussi les questions de performance. Là, j'ai été séduit par l'annonce qu'il faisait sur YouTube. Ah. Et puis, ça correspond à rien. Voilà. D'accord. Hein? D'accord. Bon. Et puis, il y a aussi une chose. Qu'est-ce que c'est ton moteur de recherche? Moi, je suis sur Google. Ouais. Change de... Moi, j'ai changé. J'ai changé et aujourd'hui je suis sur un moteur qui me trace pas. Oui. Ça s'appelle DuckDuckGo. DuckDuckGo. Deux fois Duck et Go. Et ça tout attaché. .com. Et en fin de compte, depuis que je suis là-dessus, je ne suis plus tracé. Tu sais, quand tu regardais un truc sur Amazon, il t'envoyait deux jours après d'autres possibilités de commander le truc que tu... Hein, tu as déjà vécu ça. Oui. Bon, ben voilà. Maintenant, je ne suis plus tracé. Alors, attends. Hop. Appelle Duck, D-U-C-K. D-U-C-K, D-U-C-K et Go. Tout attaché. Duck, Duck, Go. D'accord, moteur. Voilà. Bon, tu regarderas. Et puis, là, quand tu tapes Drone X Drone, ben, c'est là où tu tombes sur. C'est une arnaque. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je... Bon. Donc, pour le drone, on laisse de côté. Ben oui. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Hein. Leur foutre sur la gueule. Ouais. Leur dire que tu vas mettre... leur demander où c'en est. Voilà, la livraison, que tu as assez attendu. Et que, faute de réponse de leur part, tu portes plainte. Et tu vas mettre ces infos sur Facebook. Tu as un compte Facebook? Non. Ah. Parce que tu as des comptes partout sauf sur Facebook. Non, pas sur Facebook. Bon. Pour éviter de recevoir des relances continuelles et des. Oh, mais tu n'as pas de relance, hein. Il suffit de bien paramétrer tout le bazar. Mais bon. Oui. Tu leur dis que voilà sur Facebook et que tu vas leur casser la baraque. Ça peut les faire réagir. Mmh. Bon. Donc nous étions sur Pepper. Bon, ton équipe elle est au complet, sauf que Eric Leny, il n'y a pas son téléphone, ni son adresse mail, non, c'est pas tout le monde. Ni son job. Voilà. Sinon tous les autres, c'est bien. C'est bien documenté, c'est bien. Bonnes idées. Alors, t'as mis quelque chose sur bonnes idées? Non, tu m'as dit que t'avais rien fait. Bonnes idées. Voilà, l'hôtel à insectes. Ok. Agenda, on vient de le voir. Le plan du terrain. Qu'est-ce qu'il y a sur le plan du terrain? Ah, bah oui, là, le plan du terrain. Ah! J'ai fait une course cet après-midi. J'ai fait le tour du département pour revenir à mon point de départ. Et m'apercevoir que l'endroit où je voulais aller, c'était à deux minutes de chez moi. Et j'ai fait 20 minutes de bagnole. Tout ça parce que j'ai pas une bonne maîtrise de mon GPS. Bon, c'est de ma faute. Bon, plan du terrain, donc rien à dire, hein, sinon que tu vas le remplir. Aménagement du terrain, je regarde. Aménagement du terrain, ben voilà. Oui, si tu as mis un nouveau truc, voilà, un géoportail, ok. Non, ce qui m'a un peu surpris, c'est cette réponse du service de l'urbanisme. Oui, mais... J'en tombe assis. Oui, mais des cons, il y en a partout dans le monde. Donc, non, mais le problème, c'est que elle qui m'a répondu, c'est la chef de service, en plus. La raison de plus. C'est pas seulement les meilleurs. Non, demande à ton collègue géomètre. Il est déjà venu sur le terrain, ton collègue géomètre? Je pense qu'il est déjà passé. Il est forcément venu, puisqu'il a fait va causer. Il a fait l'arrêté d'alignement de la rue Nord. Donc, forcément, il est venu. Bon. Il connaît. Donc, cause avec lui, et tu lui expliques la mésaventure, et tu lui dis, bon, ben voilà, parce que lui, il doit connaître la bonne personne. Mmh. Voilà, bon, ok. Photo, il y a des choses à dire sur photo. Non, j'avais dit qu'il ne fallait pas mettre des photos lourdes parce qu'on allait payer. Oui. Ah, ben c'est moi qui n'ai pas bougé. Alors, à vrai dire, j'ai beaucoup de mal en matière de photo. J'ai beaucoup de mal avec les... Documents de retouche. Oui, alors ça, d'abord c'est proscrit chez moi, si tu veux. Et dans mon club photo, j'en parle même pas. Je tire à vue sur tous ceux qui se servent de Photoshop ou autre machin. Mm. Mais j'ai du mal à redimensionner les photos. Mais j'ai trouvé, je pourrais le faire. En tout cas, c'est super simple, puisque lorsque tu as la photo, que tu double-cliques dessus, donc ça te l'agrandit. Qui te propose de l'ouvrir avec Paint, le machin gratuit. Ouais, non, mais je me sers pas de ça non plus. Ben oui, mais n'empêche que sur Paint, tu as redimensionné. Et oui, non, mais je... j'utilise que ça. Mais sur Paint, en fait, Paint n'est pas très intéressant comme logiciel, mais par contre, il a cette faculté de pouvoir redimensionner. Non, mais j'ai trouvé, parce que quand tu m'en as parlé, j'ai cherché, j'ai trouvé, mais j'ai pas fait. Réduire photo paper. Ok. Normalement, il est dit, moi j'avais suivi quelques stages là-dessus, sur Internet, quand on présente des choses qui n'ont pas besoin d'être éditées sur papier, on ne dépasse pas les 50 kilos. Là, mais donc, nous sommes pas... complètement d'accord. Non, mais t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, je sais comment faire. Je sais comment faire. Ça va. Donc, mais je n'avais pas fait. Voilà. Donc là, j'ai noté et je vais faire. Ok, après discussion paper. Il n'y a rien. Bon, il n'y a rien. Mais bon, ça fume, hein, dans tous ces engrenages et ces ampoules. Bon. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Comment tu vois la suite de notre relation ? Qu'est-ce que tu aimerais de moi? Qu'est-ce que tu attendrais de moi? C'est une bonne question. Non, parce que je me la suis posée, je t'explique pourquoi. Ce que je vois là, bon, bah, que ça patine un peu en ce moment, mais bon, moi je comprends très bien qu'on soit vraiment déstabilisé par tout ce qui se passe, mais les choses, petit à petit, d'ici quelques mois, vont se normaliser. Mais, il faudra toujours faire très attention. Je pense aussi, si tu veux, si je vais à Quiberon, je n'ai pas expérimenté Skype. Alors, je ne sais pas bien ce qui peut se passer. Ça peut très bien marcher, mais si ça ne marchait pas, ben, on utiliserait peut-être autre chose, on verra. Pour utiliser Skype ou quelque support que ce soit, il faut avoir des choses à se dire. C'est ça. Et l'envie de le dire. Peut-être que tu n'as plus envie de causer avec moi. Moi, j'ai envie de causer avec toi. Tu vois, je suis très clair. Ça me plaît beaucoup de t'accompagner de la façon que j'ai... dans la relation qu'on a, là, depuis quelque temps, qui me paraît largement s'améliorer par rapport à des débuts qui ont été un peu, pour moi, chaotiques. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Je t'en ai parlé. Mais maintenant, je pense qu'on peut être à deux productifs, si tu veux. Bon. Mais pour être productif, il faut que le guide suprême que tu es prenne les choses en main et nous amène à cogiter, à voir un petit peu ce que l'on peut faire. Voilà, bon. Voilà pourquoi je te pose cette question. Alors, ça n'appelle pas forcément de réponse aujourd'hui, mais je pense qu'il faut quand même te la poser, ne serait-ce que pour toi. Qu'est-ce que tu attends de moi, toi, Alors, en fait, c'est la question que tu m'avais posée, que tu m'as reposée la fois dernière, d'ailleurs. Oui. Tu m'as dit, bon, en fait, où est le chemin? Montre le chemin. Complètement. Je me disais. Voilà, alors, donc je réfléchis là-dessus et je suis en train de me demander comment l'écrire. En gros, c'est ça. Et c'est vrai que c'est en réfléchissant là-dessus que j'ai eu envie de jouer du violoncelle. Ah, c'est marrant, d'accord. Okay. Okay. C'est bien, c'est productif, ça, c'est bien. Parce que ça m'a donné envie de. En fait, c'est. D'aller au-delà des mots. Tu vois. C'est quelque chose qui... Ce jardin va au-delà des mots. D'accord. Et je le sens plus... Je me sens plus de l'exprimer avec un instrument de musique sur le site, tu vois, que d'essayer de mettre des mots qui risquent de ne pas forcément être compris de la façon où je les comprends. Voilà. Et c'est un peu là-dedans que je comprends aussi, je suis en train de lire le bouquin sur le politiquement correct, où en fait on essaye avec des mots que tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit d'accord, ou d'arranger tout le monde, et là je trouve que les mots sont, me semblent inadaptés, tu vois, je dis mais j'arrive à des limites, en fait, par le langage. Et ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, tu as vu la page sur le site où je montre Top Word, le jeu. On est un peu avec Sylvie, on joue beaucoup, on joue une fois par jour à ça. Et on est en train de complètement changer l'objectif du jeu, en se disant si on se met tous, on arrive à construire plus que des mots. C'est-à-dire que ce que l'on arrive à construire, c'est plus beau que le fait d'arriver à faire du point, du chiffre, et voilà. Et ça, j'ai énormément de mal à le montrer, à le dire. Comment le dire, ça? Le dire que ce qu'on peut obtenir va plus loin que ce que l'on attendait au départ. Donc le top word, tu vois, c'est oui, on arrive à faire des mots. Ah oui, t'as fait des beaux mots, t'as fait un beau score. Mais regarde le jeu, comment il est construit en 3D, il est beau. Ou celui-là, ah, qu'est-ce qu'il est moche. Tu vois, c'est un peu ça. Le instrument de musique, c'est pareil. Il dit, mais tout aussi bien sur... Bon, je connais des morceaux de musique, du Bach, du Vivaldi, du Hammond, mais je sens que ce terrain m'appelle à jouer autre chose que ça. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu... Comment veux-tu que je te dise ? Je sens quelque chose D'accord. en moi, tu vois, des vibrations en moi qui vont faire que ce que je vais jouer, je ne le sais pas encore. J'ai compris. Et, voilà. Alors, tu vois, là, je t'ai écouté très attentivement, et c'est la partie de toi qui m'intéresse. Je te l'ai dit ou pas, mais j'aime sculpter dans les âmes. J'aime voir ce qu'il y a derrière le miroir. Et la vraie difficulté, si tu veux, c'est que l'individu ne se livre pas forcément comme ça. Bon, pour nous, dans notre relation, que j'apprécie de plus en plus, je te comprends de mieux en mieux. Et si tu le veux, je vais essayer de te pousser vers le no-limit. J'entends par là, si tu veux, cette capacité que l'on a tous à se dépasser. Mais pour ça, il faut, je dirais, que quelqu'un t'aide. Et c'est un catalyseur, si tu veux. Hein, tu connais, tu sais ce que c'est que la catalyse, c'est une opération chimique qui se fait à travers un corps qui disparaît une fois que la chimie... Que la réaction a fait cet effet. Eh bien, moi j'aimerais être, si tu l'acceptes, ce catalyseur qui t'amène à te pousser au bout de tes limites et de donner ce supplément d'âme qui t'est nécessaire et sur lequel tu bloques, et ça je le sens depuis le départ, si tu veux. Depuis qu'on s'est rencontrés chez moi, hein, à l'apéro, je t'ai posé une question, qu'est-ce que c'est ton jardin merveilleux ? Et tu as eu du mal à répondre et tu as encore du mal à répondre. Bon. Et tu as du mal à répondre à deux niveaux. D'une part, parce que ce cheminement, ben, il n'est pas forcément très clair pour toi. Bon, tu as des idées, mais... Là où les choses se compliquent, c'est que lorsqu'il faut que tu les partages, ces idées, avec d'autres. Et pour les partager avec d'autres, il faut et être suivi par les autres. Hein, tu m'as dit, Je te parlais de paroles prophétiques. Oui, tu me parlais de paroles prophétiques. Moi, je t'ai dit, voilà, restons au niveau du guide. Et ça sera déjà bien. Donc, à mon sens, si tu veux, je peux t'aider dans ce cheminement-là, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ton projet m'intéresse. Le chemin que tu vas prendre, eh bien, s'il peut convenir à mon entendement, eh bien, c'est volontiers que je peux t'aider dans ce domaine. Et te faire partager ce petit truc qu'il y a en moi et qui a toujours bien fonctionné, si tu veux, pour, j'allais dire, sculpter dans les âmes. Quoi. Moi, ça a été souvent un sujet qui m'a interpellé, où un individu venait, on faisait une jolie rencontre. Et puis cette rencontre, eh bien, petit à petit, se cristallisait dans des objectifs qui pouvaient être communs, dans des idées de... J'ai beaucoup travaillé dans le monde associatif, si tu veux, et à faire des tas de choses dans des tas de domaines, et notamment philosophiques et spirituels. Et là, je pense qu'avec le Jardin Merveilleux, il y a un tremplin formidable. Et je sais que tu le sais, toi aussi, ce tremplin. Bon, maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut être capable d'aller vers ce lâcher-prise. Hein, et ce lâcher-prise qui va te permettre d'être compris et de partager avec les autres, quoi. Parce que c'est là où je pense que tu as une difficulté, c'est que c'est dans le partage. Et qui plus est après, dans le partage et dans la construction du projet. Mmh. Voilà comment moi je peux t'aider si tu l'acceptes. Voilà, c'est une relation très simple. Voilà, puis ça me fait plaisir de discuter avec toi, d'échanger. Si je peux t'aider, ben, c'est volontiers. Voilà, donc je sais pas. Voilà, je me mets à ta disposition, au service de ce jardin merveilleux, à travers toi et ton entendement. Mmh. Mais là, c'est bien que tu vois, j'ai pu te dire un peu les choses telles que je les vis. Bien sûr. Dedans, et je suis content que tu aies compris la chose. C'est-à-dire que moi, je sais pas où exactement ça va mener, mais c'est un appel. Donc c'est quelque chose qui va s'exprimer. Qu'est-ce qui va s'exprimer, je ne sais pas, mais ça ne sera sûrement pas une voix du passé qui va s'exprimer, ça sera quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, bon là, je t'ai cité deux exemples, mais je pense qu'il y en a quelques-uns, si je réfléchissais un petit peu, il y a quelques autres exemples qui montreraient que ce qui est devant, en fait, c'est pas facile à dire, ce qui est devant. Pourquoi c'est pas facile à dire? Pourquoi? Mais parce autant c'est facile à dire, parler du passé, parce que ça a été vécu et que donc tu peux en parler. Il y a des gens qui sont là pour pas. C'est mon frère qui me disait moi je suis assez admiratif des gens qui passent leur vie à étudier la vie, celle des autres. Comme si la leur n'était pas suffisante. Que, voilà. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui se tournent vers le passé en disant ben, on va essayer de faire mieux à l'avenir, mais en fait l'avenir n'est pas plus défini pour autant. Il y a juste faire mieux. Oui, tout à fait. Ou à la sortie de la guerre. Faire mieux ou différemment. Ou complètement différemment. Voilà. C'est de dire, bon, comme tu parlais de rupture tout au début. Exactement, mais j'y pensais à l'instant. Ouais. Là, c'est vraiment la rupture. Et le problème, c'est que quand tu parles de rupture, ça fait peur. Quand tu parles à quelqu'un d'une rupture, ça fait peur. Et c'est un peu la même chose que je ressens de la part des parents de Sylvie, par exemple. Quand je leur dis, non, on ne pourra plus vivre comme ça, comme on a vécu avant. Il faut envisager autre chose. Ça fait peur. Oui, ça fait peur parce que, si tu veux, il y a... On est un peu dans une démarche initiatique où on va changer d'état, où on va passer des portes et où si on n'est pas accompagné, on peut avoir très peur et on ne les franchit pas. Alors que si on est accompagné, si on a une équipe avec soi et qui, même si elle a du mal à définir son projet, hein, je pense au jardin merveilleux, même si ce n'est pas facile de le définir. Mais si tu as une équipe, tu vas construire, tu vas t'asseoir sur ton terrain et puis tu vas le voir grandir petit à petit avec les autres et à travers les autres. On ne grandit pas soi-même, on se grandit à travers les autres. Ben, c'est un peu, tu vois, on a échangé avec, on avait un truc... un repas d'amis à midi, là, et il y en a une qui va prendre sa retraite, là, bientôt, qui s'occupe de, c'est une documentaliste, et qui disait, le télétravail, c'est bien, mais dans la relation que l'on a avec l'autre, qui est juste à côté, en fait, on grandit beaucoup plus vite, parce que l'autre réagit tout de suite en face, tu te construis au fur et à mesure, alors que là, dans le télétravail, les gens sont loin et au bout d'un moment, on a l'impression de s'assécher. Ça ne peut pas durer. Quoi. Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire et je te fais part de ma réaction, de ma réaction immédiate à chaud. J'ai un ordinateur avec un écran de 27 pouces, quoi, un grand truc. Quoi. Bon. Oui. Et il est encore plus grand. Et tu es au milieu de mon écran, presque très net, et je te vois parler, je t'écoute, voilà, et je me disais, il y a très peu de différence entre le fait que tu sois à côté de moi et le fait que tu sois face à moi. La seule chose qui nous change, c'est peut-être qu'il serait peut-être plus facile de te prendre la main et puis de te dire, voilà, ici on allait comme ci, ici. Bon, il est sûr que la communication en télétravail est... Il y a un décalage, mais un petit décalage. Et moi, là, ce que je vis avec toi, eh ben, le décalage se réduit à chaque fois. Quoi. Parce que je te connais mieux, parce que je te pratique mieux, parce que la réciproque, j'espère qu'elle est vraie aussi. Mmh. Derrière ça, eh bien, je vais plus facilement vers toi, si tu veux. Il y a 5-10 minutes, je me suis livré à toi en te disant, voilà, tu peux m'exploiter, entre guillemets, dans ce cadre-là, et je suis à ta disposition pour faire évoluer notre jardin merveilleux à travers toi. Mais cette distanciation de la visioconférence, je la sens de moins en moins. Mmh. Et j'ai l'occasion d'échanger avec des tas d'autres gens. Et ça se passe bien, quoi. Je communique mieux avec eux que lorsque j'ai mon téléphone. Là, tu vois, je prends mon téléphone. Lorsque j'ai juste le son de ta voix, je communique mieux parce que je te vois. Parce que, bon. Voilà. Mais bon, c'est... Alors, si tu veux, voilà, je peux t'aider dans cette démarche-là. Oui. À toi de prendre. Moi, je me livre à toi très, très humblement. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de très intéressant ensemble. Je le crois très volontiers. Et si je ne l'avais pas pensé, je n'aurais pas été plus loin. On se serait arrêté il y a déjà quelques séances. Toi, l'autre jour, quand j'ai perdu notre enregistrement de voix, tu sais que je nous enregistre là, et je t'ai dit, j'ai perdu mon enregistrement parce que j'ai fait une fausse manip. Bien. Et tu m'as dit, c'est pas grave, moi je prends mes notes. Moi je me suis dit, si, c'est grave. C'est grave parce que on s'était dit des choses importantes, moi je t'avais dit des choses importantes, j'avais cru comprendre que tu m'en avais dit aussi, et ça s'est perdu. Bon. Mmh. L'idée que j'ai dans ça, c'est peut-être un jour, si j'en ai le courage et le temps, eh bien de mettre bout à bout ces passages entre nous où on a échangé très librement comme ça. Et voilà, pour l'histoire, pour nous deux, quoi, voilà. Bon, voilà. Ah oui, alors du coup tu as un trou là. Du coup j'ai un trou, voilà. Bon, c'est pas grave. Et je pense que c'est pas grave, mais je pense que c'est un trou important parce que c'est vrai que le dernier échange qu'on a eu était assez intense. Il est riche, hein, voilà. Très riche, il était quand même très riche. Voilà. Alors c'est vrai que pour le taf, j'avais pris des notes. Oui. Donc je sais ce que j'ai à faire. Quoi. Voilà, tout à fait. Par contre, dans la relation entre nous, il y a des choses qui se sont échangées, qui là, on n'a plus le témoignage. On n'a plus le témoignage, mais là, si tu veux, on vient de raccrocher quelque chose. On vient de se dire, moi je t'ai dit des choses importantes, je pense que tu m'as dit des choses importantes, et je pense qu'à nous deux, j'ai peut-être le moyen de te permettre de t'ouvrir, de t'ouvrir et de trouver, comme ton violoncelle, eh bien, les mots justes et la partition, quoi, écrire la bonne partition. Alors, quand tu me disais qu'au départ, tu m'avais senti avec des réticences et des freins, c'est vrai que j'ai toujours des freins. Le fait d'être rentré en retraite, c'est déjà pour en avoir moins. Parce que je m'aperçois que tous ceux qui continuent de travailler sont tenus d'être conformes à une certaine structure par rapport aux institutions. Quoi. Alors que c'est vrai qu'en étant en retraite, là, j'ai l'impression d'être largement plus libre. Voilà, ça se débloque. Ça se débloque. Par contre, Sylvie, elle n'est pas en retraite. Donc, en fait, je jongle. Oui, vous êtes à moitié en retraite. Voilà, c'est ça. Le couple est à moitié en retraite. D'autant plus qu'elle a besoin de moi assez souvent pour des questions justement d'ordinateur, de facilité, et puis pour échanger, parce que est-ce que les choix que j'ai faits sont bons, qu'est-ce que tu penses des échanges qu'on a eus, enfin voilà, ça permet aussi d'alimenter la discussion et puis l'amour hein, en même temps. Hein. Bien sûr, mais bien sûr, on se grandit plus à deux que seul. Ouais. Voilà. C'est compliqué d'avoir des parcours. J'ai connu des individus. Des hommes et des femmes qui avaient des parcours solitaires extrêmement riches, parce qu'ils en avaient à la fois la formation, à la fois l'envie, à la fois un cadre de fonctionnement qui permettait à cette formation et à cette envie de s'exprimer, quoi. Mais c'est des déclenchements comme ça qui se font ou qui ne se font pas selon les individus et selon la façon dont on leur permet de s'exprimer. Tu sais, est-ce que tu connais le mythe de Gilgamesh ? Je l'ai lu, ce machin. Bon. Alors, ce machin, je le résume en deux mots, quoi. Gilgamesh, à un moment donné, il doit aller rechercher un secret, je ne sais plus lequel, mais bon. Et ce secret, il est au fond de l'eau. Et ce secret, c'est une fleur magnifique qui pousse au fond de l'eau, au fond de l'océan. Et Gilgamesh, eh ben, va plonger. Voilà. Donc, il a du mal à atteindre le fond de l'eau. Hein. Et puis, il trouve sa fleur. Et puis, arrivé là, quand il voit sa fleur, il est au bord de l'asphyxie. Et la seule chose qui lui était nécessaire, si tu veux, c'était de donner ce coup de pied dans le fond, d'attraper sa fleur, donner son coup de pied et de ressurgir pour se réalimenter en oxygène. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, d'une part, à la descente, tu as un schéma de rupture, et d'autre part, à la remontée, tu as cette oxygénation. Il est aussi difficile de descendre que de remonter. Mais, une fois que tu as descendu, vers la rupture, il faut être capable de remonter. Et il faut que ça rejaillisse. Et ce mythe en est la bonne, me semble-t-il, et la bonne expression nécessaire qui va permettre à l'homme de passer son cap, quoi. Et d'être capable de s'affranchir. On est tous dans une gangue. On est une sorte de noyau dans une gangue et il faut péter la gangue pour que le noyau explose et se mette à une graine qui se mette à pousser quoi. Quelquefois ça se fait pas tout seul. Je dirais que tu animes plein de trucs en moi en parlant comme ça. Déjà parce que je vois mes filles qui sont aussi des véritables volcans en sommeil mais pas très loin de l'explosion, l'une comme l'autre, chacun dans son domaine. Et par ailleurs, j'ai une deuxième vue, qui est celle de Adam et Dieu, là, de Michel-Ange, ouais, ouais. Avec les deux versets qui correspondent, c'est ce que je vis avec toi. On voit la question des doigts. Bien sûr. Et en fait, c'est pas, pour moi, ce n'est pas la naissance. Ce n'est pas en fait la création d'Adam, ce truc-là. La première chose que je vois, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Voilà. D'accord. Et quand je te vois et que je te parle et que je t'écoute, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que Jésus parle de ces deux commandements comme étant deux semblables. Oui. Et voici le second qui lui est semblable, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'un, une relation comme l'autre, fait grandir l'un et l'autre. Bien sûr, mais c'est évident. C'est évident. C'est bien ce que tu dis, c'est joli. Moi, je rajouterais, toi, en t'écoutant, là, je rajouterais un autre mythe, cette fois-ci qui va être beaucoup plus proche que Gilgamesh, ou beaucoup plus éloigné, ça dépend. C'est le mystère de la Pentecôte. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est la plus belle fête chrétienne qui soit, où tu as un Dieu qui va se répandre sur les hommes et va leur transmettre ce peps-là, dans son sens plus noble que ce que je viens d'évoquer, cette onomatopée que je viens d'évoquer à l'instant. Mais c'est cette capacité qu'a Dieu de nous ensemencer pour nous permettre de le rejoindre. Et ça, pour moi, c'est la plus belle fête de la chrétienté. Ça dépasse à peu près tout. Parce que c'est une vraie communication. Hein. On n'est pas... Ce qui me faisait penser à ça, c'était les deux doigts qui doivent se rejoindre et qui ne se rejoignent pas. Là, ça se rejoint. Oui. Là, ça se rejoint. La communication est totale et elle se fait comme l'homme doit être capable de communiquer avec son créateur. Quoi. La créature et le créateur sont rassemblés dans un même dans un même élan et ça fait des choses formidables. Quoi. Parce que les hommes se mettent en marche. Hein. Après la Pentecôte, les hommes se mettent en marche. Ouais, voilà. Tu vois, il y a des super trucs, des belles images, ça. C'est des mythes extraordinaires. Il faudrait que je te donne, je l'ai ici, un de mes maîtres à penser, qui est un archevêque d'une église byzantine que j'avais rencontré à Québec, à la ville de Québec, et où il avait animé pendant plusieurs semaines, peut-être un mois ou deux, des séminaires sur la symbolique de la chrétienté et tous ces grands symboles qui nous animent. Et ben, je vais regarder ça là, puis je vais te passer un truc. C'est des documents audio, hein. Oui. C'est des documents audio que j'avais enregistrés moi. Et puis tu sais que les bandes magnétiques s'abîment. et à un moment donné, ben, j'entendais plus grand-chose. Et donc j'ai écrit à mon archevêque là, et qui s'appelle Raphaël Payan. Ou Payan. Payan ou Payan. Et qui m'a envoyé ses conférences. Tu peux noter ça, Raphaël Paya. Et tiens, on va faire un truc. Bon, je vais aller chercher ça. Alors, j'ai une partie de ces conférences, j'en ai une vingtaine ou une trentaine. Mais c'est un type brillant qui, tu vois, moi j'ai été élevé dans la religion, mais mal élevé, quoi. Et il a fallu que je rencontre deux ou trois personnes comme ça pour me dire, ben voilà, j'avais fait fausse route parce que je n'avais pas rencontré les bonnes personnes. Ou si j'avais rencontré les bonnes personnes, ben, j'avais pas percuté, quoi. Et ce gars-là m'a permis de percuter. Donc je vais noter ça, et peut-être même que je vais t'envoyer une de ces conférences. Il a beaucoup travaillé sur Jean-Baptiste. D'accord. Ça t'intéresse, ça ? Oui. Alors, attends, Raphaël. Attends, je vais regarder parce que j'ai peut-être les titres de ces conférences. Alors, il y a peut-être. J'ai ça sur mon ordi, alors je te cache, je ne te vois plus, mais c'est pas grave. Je t'ai... On s'inquiète pas. On s'inquiète pas du tout. Alors, où est-ce que c'est ça? C'est la musique. Ce qui est assez étonnant, c'est que justement, dans cette période où il y a, comme on disait, il y a un enjeu maintenant, une question économique, il y a la peur qui est là-dedans, enfin, il y a beaucoup de voix qui sortent, des gens qui retrouvent, ah bah tiens, il y a un tel qui nous a parlé d'eux, tout d'un coup on se rappelle que, je sais pas, on est abonné à la vie ici, on commence à dire que bah, le pape dans sa dernière encyclique... Bien sûr, mais t'as des gens prophétiques, ça c'est sûr. Mais ce dont je te parle là, c'est des choses que j'avais enregistrées en 1970 à Québec, quoi. C'est pas un truc sorti du confinement. Alors, oui, d'accord. Mais de ceci étant, l'encyclique du pape, c'était avant. Ça dépend de laquelle. Oui, la dernière, là, Renato aussi. J'avais beaucoup travaillé avec mon père sur l'encyclique Humanae Vitae. Oui. Et là, à cette époque-là, mon père, médecin, faisait la promotion de sa femme, médecin. Et c'était l'époque, la création du planning familial. Et derrière ça, il fallait lancer ça et c'était pas gagné, quoi. Surtout pour des parents chrétiens comme les miens. Mmh. C'était très compliqué d'aborder la contraception dans ces années-là. Je le retrouve pas là, mais j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir parce que je te dirais les conférences que j'ai, parce que je peux t'en envoyer une ou deux. Ça... Prends le temps de trouver celle qui, maintenant qu'on a bien échangé un peu sur du fond. Oui, là. Ce que j'aime bien, c'est l'image que j'ai, en fait, c'est le fond plastique. Tu sais, dans la résistance des matériaux, il y a le solide, le plastique, et puis le liquide plus ou moins visqueux. D'accord. Et le plastique, c'est celui qui se forme et qui garde la forme jusqu'à la prochaine contrainte où il reprendra une autre forme. C'est pas là-dessus que s'appuie la résilience ? Non, je sais pas. Parce que là, la résilience, j'ai lu qu'il y a pas mal de choses dessus, mais chacun parle d'une chose différente. Oui, mais t'as cette plastique initiale à laquelle la résilience... Ah, voilà, Raphaël Payer, le voilà. C'est Payer, P-A-Y-E-U-R. Alors... E-U-R. Voilà. Alors, j'ai l'ésotérisme de Saint-Jean. Le mystère de Dieu, la Kabbale. Tu connais la Kabbale ? Tu as travaillé un peu sur ces questions-là, la Kabbale ? Non. Tu ne connais pas ? Ça, non. C'est très intéressant. Très, très intéressant. La Kabbale, c'est la capacité qu'ont, dans la religion juive, les anciens juifs de mettre en musique toute leur religion, si tu veux. Mais quand je dis musique, c'est dans le sens... pas étymologique du terme. Alors j'ai la révélation de Saint Jean, j'ai la Kabbale, l'initiation des Rose-Croix, l'esprit dans la matière. Ah, ça serait bien pour toi. Oui, l'esprit. D'accord. Je suis d'accord pour l'esprit dans la matière. D'accord. Bon. Oui. Et après j'ai les révélations. Ah, ce qui est marrant, c'est que je suis actuellement en train de lire. Retour à l'émerveillement là, de Bertrand Gergely. Ouais. Et je suis dans le chapitre L'esprit et la matière. on est bien d'accord que l'esprit doit féconder la matière. C'est ça. Hein? Les deux sont intimement liés. Ah, mais il n'y a pas... Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais si la matière n'est pas fécondée, si elle n'est pas fertile, voilà. C'est difficile. Esprit-matière. D'accord. Ok, ok, ok. Et ce qui est marrant, c'est que quand on parle de ça, mais ça me fait aussi penser à... quand tu parles de ça à quelqu'un, il fait deux ou trois pas en arrière. On dit, oulala, ça commence à chauffer. Ah oui, non mais... Et, c'est... de la même façon que lorsque j'introduis le fait que Einstein a trouvé que le temps pouvait se déformer, et qu'il le montre, en plus de ça, les gens font trois pas en arrière. Mais nous sommes d'accord, et il est normal qu'il fasse ces trois pas en arrière. Ça t'étonne. Toi, ça t'étonne. Mais non, ça m'énerve. Oui, ça t'énerve, c'est encore pire. Mais rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Dès que tu abordes l'Esprit Saint, tout de suite, tu vas les faire. Ils sont pas préparés à ça. Tu vas trop vite. J'en viens à ma fusée. Tu vas trop vite. Et c'est en ce sens que il faut être pédagogue. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Bon. Mais rappelle-toi, je te l'ai dit, tu vas trop vite et tu te casses la gueule. Et c'est en cela que je te parle de la musique et de te parle du Top World. Tu vois, Sylvie, quand j'ai parlé au départ du Top World, elle me dit bon, ok, on compte les points. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'en se mettant ensemble, on faisait quelque chose de beaucoup chouette que ça. Mais il fallait. Un Top World, on le connaît depuis... il fallait 4 mois. D'accord. Il fallait 4 mois de jeu pour, finalement, qu'on ne soit pas à jouer l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. D'accord. C'est un peu ça. Et le violoncelle, c'est pareil. C'est... il m'a fallu X années le prix nécessaire pour pouvoir maîtriser l'instrument. Mais en fait, j'ai l'impression que l'apothéose, elle est devant. Elle n'est pas derrière dans l'obtention des diplômes et des prix et des machins comme ça, de savoir qu'on a joué du Bach, du Dvorak ou des trucs comme ça, mais dans ce qui n'a pas encore été exprimé. Et c'est là que la clé. Ah oui. C'est là que j'ai cette clé qui est là, j'ai une clé qui est sur ce jeu. Par le jeu, je sais que je vais pouvoir trouver des gens qui jouent et les amener à ça, parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, on l'a vécu. Et par la musique, c'est pareil. C'est-à-dire, on va y arriver. Là, je vous ai joué la sarabande de la troisième suite de Bach. Bon, très bien. Je ne sais pas si c'est un des morceaux les plus simples des suites de Bach. C'est celui qui me parlait à ce moment-là. Mm-hmm. Et là, ça, sur le terrain, ça va être ça. Si je viens en voiture, c'est aussi pour apporter l'instrument. Oui, ça, j'ai compris. Ça, j'ai bien compris. Et je pense qu'il y a d'autres voix encore que je vais voir. Moi, je sais qu'il y a une voix dans le modelage, quelque chose que j'ai ressuscité et que j'ai pas mal de gens qui attendent, que j'ai fait dans la terre, dans le béton à ultra haute performance, dans la fabrication de choses, des formes, qui, à certains moments, ont été tellement épatantes. Que les gens ont voulu continuer. Et là, je suis allé ailleurs. Ouais, mais tu as été ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si certains voulaient continuer, il y en a d'autres, en fait, qui ont trouvé que j'en faisais trop. Ouais. C'est pour ça qu'il faut les amener tranquillement. À tes vues. C'est donc pour ça. Par exemple, je te dirais que j'ai été à Aubernais avant, et puis avant j'étais à Ilkirch, cité de professeur en bâtiment, en BTP. Apparemment, ce que j'avais développé et qui avait énormément intéressé les collègues comme les élèves, je pense que ça a suscité la jalousie du proviseur, tu vois, des supérieurs hiérarchiques qui ont sans doute trouvé que j'avais trop d'influence locale. Donc, est-ce que tu peux sortir... Là, tu m'énerves. tu m'énerves parce que tu reviens à ton passé. Ah oui, oui. Mais je cherche... En fait, je cherche des... Mais il faut soit te vacciner, soit, je ne sais pas comment... il faut que tu abandonnes ces moments douloureux pour toi qui t'ont plombé la vie et qui continuent encore de te la plomber. Donc, non, ils ne me la plombent pas, ils expliquent. En fait, c'est en regardant devant que je m'aperçois des choses qui se sont passées et qui peut-être n'étaient pas comprises à l'époque, mais que je comprends maintenant. Dans ce qu'elles ont créé. Alors, si tu comprends, t'en as fait le deuil. Oui. Mais moi, je te dis, tu n'en as pas encore fait le deuil. À l'instant, tu viens de t'exprimer et tu n'as pas fait le deuil. Il n'est pas terminé. Il est peut-être commencé, mais il n'est pas terminé parce que sinon, tu n'en parlerais pas comme ça. Tu en parlerais comme une révélation, voilà, disons voilà, j'ai compris pourquoi mes collègues, mon machin, j'ai créé, etc., j'ai pas été compris, etc., etc., mais j'ai compris pourquoi j'ai pas été compris, voilà, et pourquoi j'ai suscité l'envie, etc. Donc, à mon sens, il faut que tu rentres dans ce schéma de deuil, donc ça veut dire quoi, dans l'acceptation de toi. Dans cette acceptation de toi qui est nécessaire pour que tu abandonnes ce passage douloureux en toi qui te blesse encore. Accepte. Je découvre, justement en te parlant, que la partie dont je te parlais plastique, la partie pâte à modeler, en gros, avait suscité énormément d'intérêt. Et que c'est celle-là, en fait, qui avait intéressé, y compris les internationaux. Et que c'est aussi par là que je continue à les intéresser. C'est ça qui est chouette, parce que ce sont des pistes, tu parlais de pédagogie, en fait, ce sont des pistes pédagogiques. Mais ce sont des pistes pédagogiques qui ne sont pas des pistes de langage. C'est ça, c'est pas du parler. Oui. C'est ça le... Oui, mais le langage est un aboutissement de la création. Et tant que tu seras... parce que tu peux gérer la symbolique. Parce que c'est un peu la piste que tu évoques, quoi, cette pâte à modeler. Bon. Tant que tu t'appuies sur la symbolique, eh bien, derrière ça, tu vas... il faut que tu puisses les partager. Mmh. Bon, alors, à certains moments, il est plus simple de partager un même symbole. On se comprend, parce qu'un symbole, c'est simple à décoder, et c'est un bon moyen de compréhension. Mais après, derrière, il faut mettre des mots. Il faut construire... Il faut construire cette pédagogie qui est nécessaire pour aller plus loin. Tant que tu ne vas pas au bout du bout, tu es frustré. Et tu frustres les autres. Et tu peux même les énerver, comme tu viens de faire. Non, je plaisante. Je plaisante, mais pour te faire comprendre, bon, c'est mon ressenti, encore une fois, moi, je sens les choses comme ça. Et je te parle de façon très intuitive et sans... Dans une relation, et c'est ça que j'aime avec toi, dans une relation gratuite, quoi. J'attends rien en échange que le fait qu'on se comprenne et qu'on partage. Voilà. Oui. C'est le partage qui m'intéresse. Bon, voilà. Mais y a des moments où, quand tu dis que tu en as fait le deuil, moi je te dis non. Et moi, je te dis que là-dedans, est-ce que c'est... Je fais la comparaison entre ça et ce qui est en train de se passer à Auré. Qu'est-ce qu'il y avait... Joseph Rochelle, que j'ai eu que j'ai contacté et qui m'a dit, bah, écoutez, il m'a eu au téléphone, il m'a dit, bah, écoutez, je suis jaloux. Parce qu'en fait, vous êtes en train de faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire en tant que, quand on était en fait, au niveau de la mairie. Ce point-là, en fait, on ne sait pas comment le gérer. Et en fait, en peu de temps, vous avez rassemblé des gens pour faire quelque chose de ce site, alors qu'on n'a pas réussi, nous, à le faire. Tu vois. Et du coup, il était à la fois jaloux, mais il rejoint l'équipe. Tu vois, c'est ça qui est chouette. Oui, mais voilà, donc il faut le mettre à contribution. S'il te dit, voilà, on n'a pas réussi à le faire. Bon, alors, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire? Vous aviez des idées, mais vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes, vous n'aviez pas d'idées, vous aviez les bonnes personnes, etc. À mon sens, il faut discuter avec lui, il faut échanger avec lui, et voir un petit peu ce qui peut être fait. Et je pense que d'avoir un avis politique, ça fait partie du truc aussi, quoi. Voilà. À mon sens. Oui, oui. Quand je t'ai parlé aussi de la réponse du service, de la chef de service de l'urbanisme, oui. On en est un peu là. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'en est pas encore dans ces questions de il nous emmerde celui-là, enfin, tu vois, c'est... Non, non, mais la connerie, ça n'a pas de prix, quoi, si tu veux. T'appelles ça de la connerie. Mais bien sûr, c'est de la connerie, c'était une conne, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, mon ami Philippe, je vois que l'heure tourne. Hein. Non, c'est les aiguilles qui tournent, c'est pas vrai. Moi, c'est un machin qui qui tourne quand même. Hein. Bon. L'heure tourne, moi, d'abord, un grand merci pour cette... j'ai bien aimé là, cette dernière partie d'entretien. Voilà, j'ai grandi mon âme grâce à toi. Oui, c'est important, là, en tout cas, moi, ça me fait aussi avancer, parce que c'est nécessaire. Bien sûr, c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce que... attends, je ne vais même plus me servir de mon ordi. On se voit en cause de la semaine prochaine ? Donc, de principe, on garde le mercredi. Ouais. Et puis je te tiens au courant pour savoir. Alors, on sera le 3. Ah non, la semaine prochaine. Eh ben, j'ai visioconférence avec mon notaire à 16h. Alors, ce que je te propose, je te le dis, et bon, j'en ai pour un certain temps, ça va être un peu mariole ça. Peut-être qu'à 17h ça peut être bon. Et si c'est après, je te demande de bien vouloir m'excuser pour si j'ai un peu de retard. Hein. Mais sans ça, on peut décaler d'une journée, hein, si tu veux. Ah, alors ça me paraît intéressant. Ouais, ça me va bien en termes de gestion du temps. Ouais. Attends. Ouh là là. Non, ça c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Par contre, on peut l'avancer. Le lundi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On est où là? 28. On serait le 1er juin. Mois de juin, 1er juin. Il faut que j'aille porter la voiture pour changer de pare-brise. Eh bien, moi aussi, j'ai ces soucis-là. J'ai des problèmes de voiture à gérer. Et j'y vais le 4 et le 5. D'accord. Donc, c'est difficile. Alors, le 4 au soir, on se met en route pour rejoindre les parents de Sylvie à deux. D'accord. Donc, jeudi, ça va être un peu chaud. Et le 1er juin, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? 1er juin, après-midi, je porte la voiture à réparer. Donc, ça peut être soit le matin, ou alors à 17h, ça risque d'être un peu juste. Plutôt le 2. Le 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Reprendre rendez-vous. C'est quoi ce truc? Ah oui, le 2. Oui, le 2, c'est très bien le 2. Allez, le 2, 17h. En plus de ça, le 2, c'est le premier jour du changement de la réglementation. Ah oui, d'accord. Alors, donc du coup, je vais déplacer ça. Donc, le 2 à 17h. Hein ? Ça va ? Ça marche. Bon. Eh bien, écoute, mon ami Philippe, je vais te souhaiter une bonne semaine. Hein, et puis, essaye d'avancer si tu peux. Si voilà. Tu ne peux pas, c'est pas grave. T'adresse à toi et à Michaela, qu'on ne voit pas. Michaela, oui, ça c'est un problème. Parce qu'elle allait chez son médecin à 17h30. À... Je ne sais plus. Bon. Et voilà, elle est. Bon, alors. Bon, je sais pas. On sera. Bon, elle doit toujours être chez le médecin. Bon. Okay. Allez, salut. À bientôt. À bientôt. Et un grand merci parce que j'ai bien aimé cette discussion. Au revoir. Au revoir.